Donc, je disais que les adorations du cœur sont d'une grande importance, car la guidée et l'égarement est dépendant du cœur. Allah Azza wa Jalla dit, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Dans le sens approximatif, Allah nous dit, ce ne sont certes pas les yeux qui deviennent aveugles, ce sont les cœurs dans les poitrines qui deviennent aveugles. Donc l'égarement de l'individu, c'est quand son cœur s'égare. Et sa guidée, inversement, sa guidée, c'est quand le cœur est guidé. An-Nabi alayhi salam a confirmé ce sens. Il a dit, Ala wa inna fil jasad mudghatan idha salahat salaha al jasad kulluh wa idha fasadat fasada al jasad kulluh ala wa hiya al qalb. Il y a certes un morceau de chair dans le corps. Quand elle est réformée, tout le corps est réformé. Et quand elle est corrompue, tout le corps est corrompu. C'est certes le cœur, rapporté par l'imam musulman.